pas besoin d'essayer. Renoncer du temps de gagner. Reste à ta place et mange une glace. Et mange une glace. Sous l'eau y'a des poissons. Ils n'ont pas besoin d'ambition pour vivre joyeux avec les autres poissons. Mets-toi à la guitare, au violon. Trouve-toi d'autres occupations. Au lieu de mourir de passion. Tu n'as pas besoin d'essayer. Renoncer du temps de gagner. Reste à ta place. Et mange une glace. Et mange une glace. Bien sûr que l'on n'est pas égaux, sinon tu ne ressemblerais pas à Quasimodo. Sans victoire, sans Hugo, il va falloir trouver d'autres voies. Il va falloir donner de la voix pour qu'on remarque que t'es là. Oui, tu es là. Pas besoin d'essayer, renoncer du temps de gagner. Reste à ta place et mange une glace, et mange une glace.